c'est son foutu palmarès où on liste des choses dans un sujet précis. Aujourd'hui, Steph, les meilleurs ou pires remakes de séries à succès. Oh! Mm-hmm. Quand une émission de télé marche dans un pays, souvent elle est refaite par les producteurs d'une autre place. C'est bien clair. Donc, les remakes au cinéma, on en connaît. Bon, mettons, je sais pas, La Grande Séduction, hein, réalisée par Jean-François Pouliot et scénarisée par Ken Scott. Ça fait l'objet d'une adaptation en anglais, La Grande Séduction en anglaise. Il y a eu Starbuck avec Patrick Huard qui est devenu Fonzie chez les Français. C'est devenu en Inde Vicky Donner et aux États-Unis. Mais ça, c'est des films, c'est pas des séries. C'est des films, c'est exactement. Donc, okay. À la télé, on fait la même chose des fois. Par exemple, tu me diras si ça te dit quelque chose, ce prof de chimie d'une cinquantaine d'années décide de se reconvertir dans la fabrication et la vente de méthamphétamine. Breaking Bad, hein, parce qu'il est atteint d'un cancer qui va mourir, qu'il souhaite continuer de faire vivre sa famille. Donc, c'est Breaking Bad, mais Métastasis, c'est le nom de cette télésérie colombienne. Ils ont refait un remake? Déjà, hein, rapidement quand même. Mais... on dirait que je comprends pas pourquoi tu prends pas les mêmes faces. Genre, juste un doublage, c'est tellement plus facile, mais sûrement que les doublages doivent fonctionner moins bien. Et il y en a qui sont pas très talentueux en doublage, qu'on a déjà vu dans de précédentes chroniques. Ouais, c'est sûr. On ne doit pas s'élever. Est-ce qu'ils sont bons en remake? Ben, probablement pas. Autant, probablement pas. C'était diffusé de juin à septembre dernier. C'était un feuilleton quotidien. Un feuilleton quotidien. Un genre de Les Feux de l'amour, mais en version dramatique. 62 épisodes qui sont à peu de choses près les mêmes qu'aux États-Unis. Et on a proposé ça dans l'ensemble des pays d'Amérique latine ainsi qu'aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, vous pouvez regarder Breaking Bad ou encore Métastasis. Wow. Le choix est à vous. On s'en va en Inde. Jack Bauer, en fait, là-bas, s'appelle J.C. Ratore, incarné par Anil Kapoor, qui est aussi le producteur de l'émission. Et c'est un ancien militaire déchiré entre sa famille et l'amour qu'il porte à l'Inde. Contrairement à bon nombre de remakes au pays de Gandhi, celui-ci s'est fait dans les règles. Anil Kapoor, qui est une vedette bollywoodienne, vue dans Mission Impossible, entre autres Protocole Fantôme, le plus récent, je crois, ayant acheté les droits des 192 épisodes. Et Kiefer Sutherland a dit qu'il aimerait y avoir un rôle, éventuellement. Ce serait quand même drôle. Ce serait vraiment bizarre, même. De ce croix, l'acteur et producteur indien a même décliné ce remake en jeu vidéo intitulé Tata Safari Storm Presents 24 The Game. Un jeu vidéo basé sur une version refaite d'une émission américaine. Ben, ça veut dire que ça devait pas être si pire que ça. C'est ça. C'est quand le gars a vraiment une passion pour l'émission puis qu'il veut la refaire avec le budget. Parce que c'est ça, ça prend un budget aussi, ces émissions-là. Oui, c'est des grosses productions, là. Oui, Breaking Bad version quotidienne, d'après moi, ça doit être des décors en carton comme un téléroman normal. Probablement. Même chose pour la Russie maintenant. La chaîne russe CTC s'est spécialisée dans l'achat et l'adaptation de séries populaires pour le public local. J'ai déjà vu leur remake de Everybody Loves Raymond, ainsi que The Nanny, la nounou. Donc, c'est l'émission culte How I Met Your Mother. Comment je l'ai rencontré, qui a été refaite aussi récemment. Malheureusement, sans le budget et avec des acteurs peu convaincants et des décors qui l'étaient encore moins, le succès n'a vraiment pas été au rendez-vous, d'autant que le tout était une copie conforme des épisodes. Au plus petit détail près, sauf les décors. OK, fait que ça donne pas grand-chose. Il y aurait pu... Tu sais, si tu fais ça, au moins fais une adaptation sociale, tu sais, pour que ça s'adapte à le mode de vie du pays. La vie d'un jeune trentenaire ou de fin vingtenaire en Russie, tu sais. C'est ça. Si tu fais exactement la même chose. C'est ça. Mais le pire, c'est que probablement que ces gens-là qui l'écoutent savent pas que ce sont des remakes. Exact. Parce que ça arrive souvent, donc ils peuvent pas comparer et dire « j'aime mieux la version originale ». D'après moi, c'est pour ça qu'ils doivent faire ça, parce que sinon, des versions doublées ou sous-titrées, ça doit pas fonctionner. Sinon, c'est ce qu'ils feraient, j'imagine, ça coûte tellement moins cher. Mais on a des deux ici aussi. Mais c'est généralement, c'est pas des téléséries qui sont dont ils font des remakes, mais c'est plus des sitcoms. Oui. Donc ils vont faire des remakes. Exact. Et des quiz. Oui, c'est ça. Des téléréalités. On pourrait continuer sur des affaires qui coûtent pas cher. Une téléréalité doublée, ça doit être bizarre. Ben, ah, mais non, c'est vrai, ça arrive que souvent. Musique Plus aussi. Doublé sans le savoir à Canal V, c'est simplement. sous le titre Métisir, les adolescents turcs peuvent découvrir les aventures d'un groupe de jeunes, mais on est loin de la ville côtière américaine de Newport Beach, au DOC. Dans cette version arabisée qui se déroule à Istanbul, un certain Yaman est emprisonné avec son frère parce que ce dernier a tenté de voler une voiture. La suite est tout aussi sirupeuse que l'original américain et une deuxième saison de Métisir est diffusée depuis le 12 septembre dernier, donc ça fonctionne quand même un peu. Mais est-ce que tu peux me rééclairer, c'est quoi exactement Newport Beach? C'est des adolescents à la Beverly Hills. OK, ça, c'est plus téléroman à feuilleton. Téléroman, c'est ça, okay, donc hebdomadaire. C'est bon. Voilà. Al Shamshoun, est-ce que ça te dit quelque chose, Al Shamshoun? Non. Si je te chante Hacham Shum Tara Tara Tara Tara, c'est Simpson, c'est ouais. C'est... Ah ben oui, les Shamshoun. Les Shamshoun, bien sûr. Oui, oui, c'est vrai, Omar Shamshoun. Comment bien, Omar Shamshoun. En fait, c'est pas Omar là-bas, c'est Omar. Omar Shamshoun. Non, c'est la version arabe du populaire dessin animé. Par contre, je me surprends à le voir dans le palmarès parce que c'est une version doublée, ça, des Simpsons. C'est pas une version refaite. Fait que ça, pour moi, ça compte même pas dans le top. Mais bon. Ouais, c'est bizarre. Donc, les intrigues et les personnages ont été tellement transformés. Omar s'appelle Omar et ne boit pas de bière. Ned Flanders n'est pas chrétien. Marge se prénomme Mona. La série a eu aucun succès. Pourtant, des émissions adaptées en dessin animé comme Les Simpsons, ici au Québec, on l'adapte. Ça fonctionne très bien. Faut l'adapter au marché. Il boit quand même de la bière. Il boit quand même de la bière. Ouais, c'est ça. Il aurait pu boire, je sais pas, Dr. Pepper, vu que ça joue à Télétoon, tu sais. Même là, de la liqueur brune ne serait pas encouragée par les parents, ça. Ben non. Non, c'est ça. De toute façon, c'est de la Dove, ça. Dove. Ça existe même pas pour vrai, ça pourrait être n'importe quoi. C'est vrai, ça. Maintenant, Bron, Tunnel et The Bridge. L'original scandinave Bron s'intéresse à l'enquête ouverte à la suite du meurtre dont la victime a été découverte sur le pont Øresund, reliant le Danemark à la Suède. Dans la version franco-anglaise Tunnel, le cadavre est retrouvé dans le tunnel qui passe sous la Manche et aux États-Unis sur le pont qui relie le Mexique et son voisin du Nord. En Amérique du Nord, la deuxième saison de The Bridge vient d'être diffusée par FX et ce sont Diane Kruger et Damien Bichir qui incarnent les deux policiers. Et finalement, Broadchurch et Grace Point, série britannique Broadchurch diffusée en 2013 par BBC America. C'est une excellente émission, dit-on, qui suit deux policiers tentant de résoudre le meurtre de garçons dans une petite ville britannique. Le réseau Fox a décidé de refaire le tout en conservant le même acteur principal et la même prémisse de base. Donc, on refait l'émission avec le même acteur et la même histoire. Il y a quelques petites divergences plus tard dans la série, nous dit-on. Sous le nom de Grace Point, l'émission est diffusée depuis le 1er octobre. On se demande c'est quoi l'intérêt. Surtout que l'acteur garde ça, probablement son accent britannique. J'ai pas regardé. J'espère que... Pourquoi qu'il changerait son accent? Ah ben, Dr. House a changé son accent, tu sais. Ah, mais tant qu'à ça, prenez un autre acteur. Ben, tant qu'à ça, prenez tout le temps un autre acteur. C'est ça l'affaire, c'est tout le temps des acteurs, soit canadiens ou britanniques. Bizarre. C'est vraiment étrange, là. Gregory House, là, dans Dr. House, dans sa carrière d'origine, il y a un accent anglais. Et là, aux États-Unis, ils lui ont fait prendre un accent américain. Ah ouais? Puis il tient pas tout le temps, puis c'est bizarre. C'est un bon acteur, fait qu'il est la plupart du temps capable, mais... Mais c'est pas évident, là, je veux dire. C'est pas évident de jouer avec ton cœur, mais penser aussi à changer ton accent pour que ce soit réaliste, parce qu'il faut pas que ce soit une caricature non plus, là. C'est pas un texan, genre, hi-ha! À chaque fois, français. Je sais pas trop. Avec un coup de fusil. Genre. maintenant, on va transitionner facilement, comme on fait toujours, à une liste, en fait, de logos avec des messages cachés. Le premier, je pense, va te dire quelque chose, Steph. Tu connais probablement le logo de FedEx et son utilisation de l'espace négatif pour montrer une flèche. Oui, bien sûr. Dans le logo de FedEx, il y a une flèche entre le E et le X à la fin. Je vais faire un accident l'autre fois parce que je cherchais la flèche dans le logo sur un camion. C'est ça. C'est dangereux, des histoires comme ça, du marketing. Ouais, non? Ouais. Donc, on a fait une petite liste chez Oomph. C'est un fabricant de cartes de plastique britannique. Je sais pas s'ils doivent parler l'accent américain quand ils appellent là, aux États-Unis. Mais donc, pour nous montrer comment utiliser les logos de façon qu'on s'attend pas. Par exemple, Amazon.co.com ou .ca ou peu importe. Il y a une flèche entre le A et le Z, si tu as remarqué. Oui. Ça veut dire qu'ils vendent de tout de A à Z. Oh! En plus d'être un sourire. Et voilà. En plus d'être un sourire, ça représente la satisfaction de la clientèle. Remarquez-le sur le logo d'Amazon. Oh. Ensuite, sur Pinterest, un autre qu'on connaît quand même bien, le point dans le but dans Pinterest, c'est que les utilisateurs vont clipper ou vont piner du contenu, c'est ça. Donc, c'est pas une surprise que le P lui-même est supposé représenter une pin ou une punaise. Ah ouais? Dans le P qu'on met à gauche du logo, c'est une punaise. En vrai, je sais pas dans quel sens le regarder. Elle est, disons, stylisée, je dirais, mais la barre du P est une punaise et le reste de la boucle du P en haut est supposé être le dessus d'une punaise, comme le rond qu'on utilise pour punaiser. Ah! Je le vois. Ouais, de toute façon, vous êtes à la radio, donc vous allez devoir vous l'imaginer dans votre tête, là, mais Pinterest, c'est quand même assez simple à aller voir. Gillette, on connaît tous le logo, là. C'est surtout des logos qu'on connaît de toute façon. Là. Gillette, si tu as remarqué, le message caché, c'est le G et le I ont une petite tranche d'enlevé. Complètement en diagonale. Ah, ben oui. Et c'est fait pour avoir l'air d'avoir été rasé par un rasoir de Gillette, donc c'est des poils qui ont été coupés. Génial. La précision des rasoirs de Gillette. Ensuite, Vaio, le VA dans le logo de Sony Vaio. Vous connaissez tous Vaio, c'est comme une genre bon, de on connaît de le logo, mais moi, je ne savais pas c'était quoi. Non, ben, tu ne savais même pas que c'était probablement le mot Vaio. Ben non, c'est ça, c'est exactement. Ça. Je ne savais pas que c'était ce mot-là. Donc, il y a une petite vague qui fait le V et le A à gauche. Il y a un point dans le A et ensuite, c'est la lettre I et la lettre O. Le logo a été fait pour avoir l'air d'un signal analogue. Donc, le IO ressemble aux chiffres 1 et 0. Ben oui, mais ça ressemble plus à ça qu'à Vaio. En effet. Je pense qu'ils sont allés trop loin pour vouloir faire une image cute. Ben oui. Un petit peu trop loin. Le logo de Cisco, on le connaît un petit peu moins au Québec, mais c'était fondé à San Francisco. Cisco, le chanteur? Non. ça a été fondé à San Francisco, donc ça explique le nom. Mais c'est aussi, il y a aussi une référence à San Francisco dans leur logo. Il y a une série de lignes bleues en haut du logo Cisco, mais en fait, qui fait partie du logo, mais en haut du logotype Cisco. Ça représente un électro-aimant, mais aussi le célèbre Golden Gate Bridge de San Francisco. Ah, ben oui! Ça paraît plus ou moins, mais une fois que tu le sais, tu peux pas le dévoir. Non, exactement. Ensuite, dans le Tour de France, lui, on le connaît, on le regarde à chaque année avec passion. Le cercle jaune. Sarcasme un peu. Dans le cercle jaune, dans le logo du Tour de France, parce que bon, on voit le mot le en plus petit, le de en tout petit, Tour en grand et France en plus petit en dessous. Dans Tour, le haut est un rond avec un point dedans. Et à droite de Tour, il y a aussi un rond jaune. Donc, c'est supposé avoir l'air de deux roues de vélo. Être aussi le soleil d'été, parce que le Tour de France a lieu l'été. Et en plus, si tu regardes le R de Tour, on dirait un gars qui est sur son vélo en train de pédaler. Ça, on le voit quand même facilement. Là. Quand même assez facilement. Oui. Dans Toblerone, vous remarquerez que la marque qui vient de Bern en Suisse, qui est aussi connue sous le nom de la Cité des ours, ben il y a un ours dans la montagne de Toblerone. On le voit vraiment pas sur l'image, mais vous remarquerez la prochaine fois, vous verrez une barre Toblerone qui a un ours dans les montagnes. Je vais aller me chercher un logo plus gros, voir. Oui, une barre de chocolat dans la machine. Le logo de LG, on le voit dans les publicités de Frigidaire et d'autres électroménagers parce qu'il se lance dans à peu près chaque domaine. Mais le L est supposé être un nez et le G est la face. Donc, on voit une face de personnage. Hey! Quoi? C'est parce que moi, j'ai juste vu la face dans ma vie puis ça a pris plus de temps avec que je comprenne que c'était un L et un G. Ah, tu vois, moi aussi, je pense que c'est la même chose. J'ai que vu la face bien avant. Ah, c'est un L et un G, j'avoue. Mais je pense qu'on a une reconnaissance faciale facile. On voit des visages à des places où il ne devrait pas y en avoir. Ben, plus de courant, entre autres. Oui, donc je pense que c'est juste normal qu'on ait vu un visage avant de voir les lettres. Je pense que oui. Ensuite de ça, le Northwest Airlines tient sur une ligne aérienne où le L et le W s'entrecoupent avec une diagonale pour faire et le W et le N en une seule lettre. Pour ceux qui n'ont pas remarqué. Ouais. Comme assez créatif. Il y a un logo. Là, évidemment, ceux qu'on connaît moins, je vais y aller plus rapidement là, parce que vous ne les aurez pas en tête. Il y a un zoo, le zoo de Colner, dont le logo est un éléphant et ses pattes et l'espace entre sa tête et les pattes. Ah, c'est très cool. Créer d'autres animaux, donc une girafe, un rhinocéros, etc. Il y a les Galeries Lafayette en France. C'est très, très typiquement français. Mais les deux T du logo Galeries Lafayette sont supposés représenter la Tour Eiffel. Ah oui. Dans le logo de la Formule 1, celui-là, on pourrait le connaître un petit peu plus. F1, on a tous déjà vu le F à gauche et le vent passer à droite ou les flammes ou peu importe ce que c'est supposé être. Moi, je dirais un peigne. Ben, en fait, on pourrait croire que c'est le 1. Bon, on pourrait croire que c'est le 1 entre l'espace entre la lettre F et le reste. Unilever, on voit ça sur des sortes de savons en tant que tel, la plupart du temps, des produits ménagers. La mayonnaise elle-même. La mayonnaise elle-même, t'as raison. Ça a donné que j'ai vu une publicité hier, c'était écrit Unilever dans le coin, j'ai fait « Ah, c'est vrai, j'avais oublié que c'était bizarre. » Ils font du savon et de la mayonnaise, bizarre, hein? Étrange. Donc, trompe-toi pas. Le U dans le logo de Unilever est rempli d'une variété d'images, mais il n'y a pas un... dans le fond, mais c'est que chaque icône dans le U représente un aspect de la compagnie Unilever. Donc, par exemple, il y a un icône de recyclage pour le fait qu'ils sont verts. Il y a des lèvres pour la beauté et le goût, etc. Il y a de la neige, une feuille, un oiseau, lune, soleil. Mais quand il monte à la TV ou sur un pot de mayonnaise, on voit jamais ça. Est-ce qu'il est sur le pot de mayonnaise? Ben, j'imagine... Ça doit, c'est lui qui fabrique. Je m'en souviens pas, ça doit être vraiment petit. C'est ça. Hey, c'est clair, je vais regarder en revenant chez nous. C'est le but de la chronique. Ensuite, Via Rail Canada, tiens, la compagnie Via Rail, qui a inclus des lignes parallèles dans son logo qui sont supposées ressembler à des rails de chemin de fer, donc VIA, tel que placé. C'est logique, je m'y étais pas arrêté du tout. Il y en a qui sont vraiment trop... trop sophistiqué comme logo. Mais c'est le genre de petit détail qui fait que ton logo, il est beau et tu sais pas pourquoi. C'est vrai ça. C'est, comment dire, le perpendiculaire matière. Ensuite, ceux qu'on connaît vraiment, on les connaît pas tous, le BMW a un historique dans l'aviation. Dans leur histoire, ils ont eu des liens avec l'aviation. Donc, le logo représente ça avec les sections blanches qui sont supposées être l'hélice de l'avion. Et les sections bleues représentent le ciel. Ah! Oh. Cute, hein? C'est donc bien intéressant, ça. Ouais. NBC, le réseau de télé. L'espace blanc au centre du logo d'NBC crée l'illusion d'un pan. Ça, je pense que c'est un classique, là, mais c'est placé, les feuilles sont placées comme un pan. Et au milieu, tu as un triangle un peu qui vient comme séparer les lignes, les différentes feuilles. Et tu as un petit bec qui rentre dans une des feuilles. Donc, ça fait un pan. Super beau. Ouais. Beats Music, c'est un B dans un rond rouge. Hein? Mm-hmm. Bon, donc tout le monde porte ça dans les parties de sport en ce moment. Ils ont tous des commandites. Le logo, en fait, porte aussi une paire d'écouteurs. Le B et le cercle rouge sont positionnés pour avoir l'air d'une personne qui porte des écouteurs. Ben oui. On n'aurait pas pensé ça. Hein? Ben non. Porte des écouteurs. Pis c'est tellement... Je veux dire, c'est tellement évident maintenant que t'en parles. Une fois que tu le sais, tu le dévoies pas. Génial. Ensuite, Tostitos. Les deux T dans le logo célèbre de Tostitos, là, où on le voit sur un genre de fond jaune et rouge, les deux T sont supposés être des personnes autour d'un bol de chips. Ben oui. Parce que le I est un bol de chips avec de la salsa dedans. Voyons, j'ai tellement jamais vu ça. On dirait que t'as modifié le logo juste pour avoir du contenu. On dirait un gag pour remplir un 15 minutes. Mais non, mais non. Un design subtil qui représente des gens qui partagent un Tostitos. Ensuite, ça c'est cute. Hein? C'est, tiens, on va y aller avec les baisers de Hershey's. Les chocolats les plus populaires avec leur forme unique qui ont été incorporés dans le logo. Pourquoi tu traduis le nom? Il y a personne qui connaît ça. Excuse-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi t'as traduit le nom? Hershey's Kisses? Qu'est-ce que j'ai dit? Les baisers? J'ai-tu dit ça pour vrai? Ouais? Je m'en rends même pas compte. Je m'en suis pas rendu compte. Pour vrai? Pour vrai, je m'en suis pas rendu compte. OK. Je dois être sur un certain pilote automatique. Ouais, t'es sur le mode traduction, hein? Juste c'est Google quoi Hershey's en français? Donc, entre le K et le I, dans l'espace négatif, encore une fois, du K et du I de Kisses, okay. Y a un petit kiss à l'envers. Il y a un kiss? Ben enlève-moi ça de là, on va te faire opérer. Sur le côté, c'est génial. Ben ça. Oui. Je l'ai pas vu, celui-là. Ben non. Vraiment pas. Ben non, si je veux dire, personne mange ça, c'est pas même pas bon. C'est pas même pas bon. T'as bien raison, c'est pas même pas bon. Ensuite, tiens, je pense qu'on connaît Coca-Cola. Oui, oui, ça me dit vaguement quelque chose. Apparemment qu'on peut voir un drapeau danois dans l'espace négatif entre le O et le L. On va essayer de le trouver. Entre là. Le O. Entre le O. Et le L. Quel O, là? Ben, c'est probablement celui qui est collé après le L. Probablement. On est supposé voir ça. T'as un peu. On va aller voir le drapeau du Danemark. Ben oui, ça a l'air de quoi, le drapeau du Danemark? C'est comme un genre de carré rouge avec une croix blanche à l'horizontale. OK. À l'intérieur, une Donc croix là, blanche on à l'horizontale. Cherche un carré rouge avec une... Ah! Ouais, apparemment qu'ils utilisent ça comme marketing au Danemark, là, mais je te dirais que j'ai de la misère à le voir, celle-là. Hey, tabarouette! Hey, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fumé avant, là. Bon, j'espère que vous avez pu vous visualiser ces logos-là. Je pense que c'est des logos qu'on connaît tous, donc pas besoin de vraiment vous dire d'aller voir sur assemblagehockey.com pour les images. Ben oui, parce qu'on va aller voir pour dire « Voyons donc! » J'avais pas vu ça. Exact. Il y en a plein d'autres là-dedans. Ils me mentent. Ouais. Il y a aussi le musée de Londres, Baskin-Robbins, Shelter et un paquet d'autres compagnies qu'on connaît moins. Donc, assemblagerequis.com pour le lien. La prochaine fois, on parlera. C'est le mois de Monopoly chez McDonald's en ce moment. Ouais, ouais. Donc, on va parler de quelques petits faits cocasses sur le jeu Monopoly de McDonald's la prochaine fois dans son foutu palmarès. Mais pour l'instant, ça va être le moment de se laisser quelques instants pour accueillir David Ferron et sa chronique Les Notes Salées. C'est dans deux instants. À son âge, oui. Toutou. Fou de changement. C'est fou. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage requis et Stéphanie Paraty. Lui, c'est Mathieu Plante. Dans quelques instants, David Ferron sera avec nous. Mais avant ça, Rich Aquin. Au coin. Au coin, excuse-moi. C'était Rich Hawkwind et Want to Believe à Assemblage Requis. Finalement, on va avoir le temps pour notre truc de palmarès de Monopoly, je pense. Ah! Ouais, pas mal. Mais donc, parfait, j'étais trop impatiente de comprendre. C'est ça. On voulait pas attendre à la prochaine fois. Donc, vous le savez peut-être que c'est le jeu Monopoly qui est en vedette en ce moment chez McDonald's. Ouais. Normalement, on ne mentionnerait pas le nom, mais je pense que c'est assez important pour le sujet d'aujourd'hui. Ouais, non, ben c'est ça. Si on parle juste du Monopoly au hasard comme ça, ça peut peut-être mêler des gens. Dans un fast-food quelconque. Donc, on peut gagner des millions de dollars grâce à Monopoly chez McDonald's. Les gens vont aller plus souvent chez McDo au mois d'octobre. Ah, mange du McDo. Mais hein, les gens, ben, ils mangent plus de McDo, c'est prouvé. À chaque année, quand c'est le moment de faire ce concours-là. C'est clair. C'est clair. Donc, le gagnant du prix d'un million de dollars, en passant, savais-tu qu'il reçoit un chèque annuellement de 50 000 dollars pendant 20 ans? Pour vrai? C'est pas vraiment un million de dollars right c'est now. C'est plus comme gagner à vie. Genre. Mais tu sais, moi, j'aime mieux ça, je pense. Ben, oui, toi, pour toi, oui. Ouais. Parce que t'es sûr de pas le dépenser. Je suis irresponsable, on pourrait dire. Mais moi, j'aimerais mieux l'avoir tout d'une shot. Comme ça, je pourrais le placer et vivre des intérêts. Ah. Ou en tout cas, en partie. T'as bien raison. Alors que là, tu l'as pas dans tes poches, cet argent-là. C'est vrai, c'est vrai. Pour devenir millionnaire, il faut ramasser Park Place et Boardwalk. Les chances de trouver Park Place sont d'une sur 11, mais les chances de trouver Boardwalk sont une sur 651 millions. Donc, tes chances de trouver les deux, Boardwalk et Park Place, sont de une sur 3,5 milliards. Hey, je pense que t'as plus de chances à 649. Je crois que oui. On n'a pas les sources ici, mais je suis pas mal certain que oui. Le gagnant du million de dollars en 2010, John Kehoe, a réussi à battre ses chances-là. Il était sans emploi depuis 11 mois. Il a acheté un McCoat chez McDonald's. Oui, le McCoat. Hey, mon santé, si tu trouves le Boardwalk, là, ouais. T'en manges-tu du McDo pour trouver l'autre? Écris-moi, hein, une fois que tu l'as, tu continues à jouer si tu dépenses plus d'argent. C'est en sac, là, si tu dépenses de l'argent, tu vas être millionnaire. Même si l'autre, c'est une chance sur 11 pour trouver Park Place. Ça peut quand même être 11. Une fois que tu l'as trouvé, ton Boardwalk, en effet, ton 1 sur 300 sur 3,5 milliards est rendu pas mal proche de toi, là. Pas mal proche. Ouais. Bref, il était sans emploi, monsieur John Kehoe, depuis 11 mois. Quand il était, en fait, sur son dernier chèque de BS, on va se le dire. Sur son dernier chèque. Park Place était le morceau qu'il a trouvé sur sa boisson gazeuse. Wow! Félicitations à John Kehoe. Ensuite, c'est peut-être pas facile de devenir millionnaire avec ce jeu-là, mais il y a 25% de chances de gagner, en fait, un prix comme culinaire, alimentaire, donc un McFlurry ou une frite moyenne. T'as une chance sur 20... non, c'est 25%, donc une chance sur 4 de trouver un prix alimentaire. C'est pas pire. Quand même. Le concours a lieu depuis 27 ans. Ça a commencé en 1987. Ouais. Oh, c'était pour ma fête! C'était pour ma naissance! Dans plusieurs pays avec plus de 40 millions de dollars en prix. En 1995, quelqu'un qui travaillait à l'hôpital St. Jude Children's Research Hospital a ouvert une enveloppe qui contenait le prix de 1 million... pas le prix, mais le morceau qui allait les faire gagner leur million de dollars. On va y revenir plus tard, mais en fait, ça aurait été important d'avoir les détails, mais ils sont plus tard dans la liste et on y reviendra dans quelques instants. Ah ouais, c'est bien bizarre. Je trouve ça drôlement construit comme liste, mais c'est pas grave. Ensuite, on a révélé en 2001 qu'un groupe de 8 personnes avait arrangé le concours McDonald's Monopoly avec d'autres promotions du même restaurant. Depuis au moins 1995, ils avaient comme piégé ça et arrangé ça en leur faveur. Il n'y avait pas personne là-dedans qui était des employés de McDonald's, mais une personne était le Chief of Security chez Simon Marketing, la compagnie qui s'occupait du jeu, qui gérait le tout. Donc, quand on a découvert ce crime, le groupe avait réussi à ramasser 20 millions de dollars. Oh my God! Sur le dos des clients de chez McDonald's, finalement. Wow! McDonald's Corporation a essayé de poursuivre Simon Worldwide pour toute cette aventure-là, mais ça leur est retombé sur le nez. La chaîne de fast-food a finalement dû régler ça à l'amiable. Ils ont donné à Simon Worldwide 16,6 millions de dollars. Donc, non seulement ils ont arrangé le jeu, ceux-là, mais ils ont fait encore plus d'argent sur la poursuite. Ah ben, tabarouette. Ouais. Les artistes du crime qui avaient arrangé le jeu en leur faveur sont ceux qui avaient envoyé finalement le morceau gagnant à l'hôpital St. Jude. L'hôpital disait qu'ils allaient retourner l'argent à McDonald's, mais McDonald's leur a permis de garder l'argent finalement. Ouais, là, ça aurait été un peu cruel. Un petit peu, tu sais. Donc, c'est ça. Mais c'est un beau geste. C'est un joli geste après avoir complètement fourré le système de laisser un hôpital pour enfants. Le jeu McDonald's Monopoly, en fait, serait illégal aux États-Unis s'il n'y avait pas la clause « aucun achat requis » à la fin. Pour vrai? Ouais. En 2012, l'avocat Alan L. Freel a profité de cette règle-là, oui, en envoyant 100 enveloppes adressées à McDonald's. avec une adresse et une enveloppe de retour, une enveloppe préaffranchie, vous comprenez le principe, demandant donc des morceaux du jeu. Parce que techniquement, vu que le jeu est un concours de chance, il faut absolument qu'il y ait la clause au cas d'achat requis. Donc, tu peux aller, tu peux envoyer une lettre chez McDonald's, ils vont t'envoyer un morceau par la poste au hasard. Bon. Ah ouais. Ils sont pas supposés faire exprès pour pas t'envoyer Park Place et Boardwalk. Ils sont pas supposés faire ça. Ouais. Mais bref, il avait déterminé par ses savants calculs mathématiques que le coût d'un timbre était moins élevé que le plus petit article, le moins cher, dans le fond, chez McDonald's, qui était la patate à 99 cents. Peut-être qu'à ça, lève tes fesses, va t'acheter une petite patate. Une petite patate! C'est tellement bon, en plus, des petites patates, McDonald's. Donc, finalement, il a reçu 98 de ses enveloppes. Il les a reçues avec un morceau dans chaque affaire. Donc, sur 100, quand même. Je sais pas s'il y en a qui se sont perdus dans le mal, mais tu sais, avec le courrier américain, 2% de perte, c'est quand même pas spécial. Ah ouais, pourquoi ça va pas bien, le courrier américain? Je sais pas, il y a beaucoup de lettres qui sont perdues. Ah on ouais? a souvent entendu parler de nouvelles de facteurs, entre autres, qui gardaient des grosses piles de lettres et de paquets pour eux. T'sais. Mais voyons, c'est vrai. Si tu fais avec ça? Je sais même pas. Des fois, il y aurait des cadeaux dedans. Des fois, il y aurait un chèque d'un million de dollars de St. Jude's Children's Hospital. Mais tu peux pas l'encaisser pareil. Il est pas à ton nom. Mais non. T'as bien raison. Le concours a augmenté les ventes. On a parlé au début de l'article. McDonald's, les ventes montent entre 1 et 6 % par rapport à quand ils sont pas en plein concours. Quand même. Ouais. Entre 2003 et 2011, il y a eu 4,2 milliards de morceaux de petites pièces de carton, de papier glacé, de créer 4,2 milliards. Ces morceaux-là couvriraient la circonférence de la Terre une fois et demie. Très important wow. à savoir. Et présentement, le porte-parole de McDonald's Monopoly est LeBron James aux États-Unis, le joueur de basketball LeBron James, qui ne mangerait probablement pas de McDonald's avec vous parce qu'il est sur une grosse diète, pas de sucre, pas de produits laitiers et pas de carbs, comment on appelle ça? Les carbs, comme on appelle dans le domaine. Donc, c'est LeBron James qui est ironiquement porte-parole du Monopoly chez McDo. Je sais pas si ça va durer, là, étant donné son nouveau régime, sûrement qu'ils vont je sais pas s'il va lâcher. L'argent doit être vraiment présent là-dedans. Je sais pas. Hein? Probablement. Donc, voilà pour son foutu palmarès. Je crois qu'on peut rapidement passer. Est-ce qu'on peut passer rapidement à David Ferron sans perdre plus de temps? Tu vas te brûler sur ton micro là, si tu y touches trop. Je pense que c'est pas David Ferron finalement. Est-ce que c'est David Ferron? Shit. Allô, comment ça va les poussins? Yeah, c'est Marie Melon. Oh, je suis fait ta voix. Pourquoi j'ai ouvert la porte? Pourquoi j'ai ouvert le micro, tu sais, devant moi? Hein? Mais je suis tellement ennuyé de toi, Mathieu. Oh, merci, c'est trop chanceux. Gentil. Je suis vraiment chanceux. Choyé, je dirais. C'est qui, là, votre fille à côté, à ma gauche, hein, Stéphanie? Salut. Est-ce que tu as des pertes de mémoire, Marie Melon? Ben, en fait, je sais même pas. On s'est jamais rencontrés en vrai, moi et Marie Melon. Ah, je sais pas ça. Pourquoi qu'elle me reconnaît. Ah, OK. C'est ta voix, je pense. T'as entendu parler de moi quelque part? Ah, je sais pas, dans mes cauchemars, sûrement. Je sais pas. Ouais. Je trouve que Stéphanie Paradis suit vraiment très, très bien l'histoire de Marie Melon. Les gens à la maison, dans leur voiture, ne comprennent peut-être pas. Donc, moi, c'est mon travail en tant qu'animateur et modérateur d'Assemblage requis de vous expliquer la situation. David Ferron avait deux sœurs et frères, si à moi à la naissance, qui ont été séparés plus tard. Donc, il y avait Gustave, qu'on a déjà rencontré par le passé, qui est... Est-ce qu'il est mort? Dans la nouvelle, il est comme mort, puis revenu. En tout cas, on s'en fout. Et Marie Gustave, Melon... C'est Jésus. C'est Jésus, il revient toujours à la vie à 33 ans, je pense. Et Marie Melon, qui est sa sœur jumelle anciennement siamoise, avec des petites mains thalidomides qui porte par les seins. Et étant donné qu'elle n'a pas de seins, elle a des mains, il y a des petites tétines au bout de ses mains. Oui, pour nourrir sa portée de chat. Pour nourrir sa portée de chat. Donc, il faut l'expliquer. Donc, en ce moment, je pense qu'elle a de la misère à taper sur son ordinateur, je pense. OK, je pense. Je pensais qu'elle était en train de faire une crise cardiaque, quelque chose. Ah, ça aurait pu, mais ça... Et on réagit vraiment bien. Ah! Non, c'est parce que Joanne Blouin en sort un album dans un mois, puis je voulais tellement la louanger. Louanger avec tes mains? Oui, applaudir avec mes tétons, mes tétines. Oh! Wow. Clap, clap, clap, Joanne Blouin sort un album dans un mois. Clap, clap, clap. Wow. Ça, c'était vraiment le bruit que faisait tes seins. Quand, clap, c'est, clap, clap, c'est pas clap. Marie Melon qui fait clap, clap, clap. C'est vraiment quand elle le fait. C'est le bruit. Oui. C'est clap, vraiment clap, ça. Clap. Ça en effet, ça va. Oui, je suis contente. Clap, clap, clap, clap. Marie Melon, torse-toi. David, t'es où? David, wow! Marie Melon, torse-toi. Allez, okay. Marie Melon, torse-toi. Ne brisez pas notre studio, s'il vous plaît. Je crois qu'elle est tendue. Paix et amour. Paix. Pas amour. Avec Marie Melon, je m'excuse, c'est un cas trop difficile à gérer dans ma vie. Fait que tu viens de frapper une femme sans défense, littéralement, parce qu'elle n'a pas vraiment le moyen comment de se défendre. Comment tu veux te défendre avec des tétines? C'est ça. Tu peux juste flatter avec des tétines. Ben non, mais c'est parce que Marie Melon. Tu t'allumes toi-même. C'est parce que Marie Melon, vous comprenez pas, c'est la femme bionique. Okay. Elle fait semblant d'être vulnérable, mais. Ah, oh, ouais! Ah, mais... oui. Ouais. Okay. Vous vous rappelez pas, on l'a fusillé l'année passée puis elle revenait à la vie. Je me rappelle pas que c'était elle, en effet. T'as bien raison. Ben, excusez-moi, je me rappelais de la fusillade. Oui, je me rappelle. Il y avait tombé du monde là-dedans. C'est l'épisode gagnant de prix d'Assemblage Rocky, d'ailleurs. Récompensé par la critique. Deux Oscars. Oui, deux balais Oscars qu'on a reçus. Le sketch qui a balayé les critiques. Voilà, le sketch qui a balayé. J'aime ça. Donc, maintenant qu'on s'est débarrassé de Marie Melon, oui. Jusqu'à nouvel ordre, parce qu'on ne sait jamais quand on va y revenir. Avec... Non, Marie Melon, calme-toi. Oh, oh oui, ça va pouvoir, on va pouvoir commencer la chronique de David Ferron. Donc, voici les notes salées. C'est épouvantable, je t'adore. Il n'y a pas juste toi qui improvise, il y a Steph. Puis moi, je fais ma affaire à chaque semaine à DAF et je joue. Mais là, j'étais stressé, je me souviens pas de ça. On préfère oublier, on va dire qu'on est comme un blackout. Ouais, c'est aussi bien. Ah, mais t'es ça dans les meilleurs moments. Non, moi, utiliser les chroniques de David Ferron pour faire 3-4 minutes de meilleurs moments. Ouais. Voyons, non, c'est pas mon genre du tout de rire. Non, juste la chanson de thème. Juste ça, pas tout ce qu'il y a eu avant. Bon, vous n'êtes pas obligé. Ben, non, la chanson thème, vous êtes géniaux. Vous devrez avoir des Nobel de la meilleure chanson thème. Oui, et des prix sans cloche, des Nobel. Oui. Right. Oh, donc, oui. David Ferron, on te reçoit pour ta chronique Les Notes Salées. Ça fait un bout qu'on ne s'est pas parlé. Oui. Et aujourd'hui, tu vas encore une fois donner un coup de fleur et un coup de peau, là, où les bons et les mauvais côtés de la vie musicale. Oui, donc, il va avoir mon prix cheddar et après mon prix nouille ramen. Cheddar et nouille ramen, lequel est positif? Ben, habituellement, cheddar, les... c'est. Les deux, c'est bon. Ouais, c'est juste que nos ramen, c'est moins nutritif. C'est plus vite, c'est plus calories vides. En même temps, ramen, c'est comme ramène-moi ça comme j'en veux plus, tu sais. Fait que là, tu sais. Voyons donc, on les ramène, je veux dire. C'est la vie, Everybody loves Raymond, comme on dit. La sitcom avec. Oh, Ray le jeu de mots. Ray Romano. Ouch. Oui, donc aujourd'hui, vous allez être sûrement surpris que, en vous disant que j'ai écouté le premier album complet de Pierre Quenders, Le Dernier Empereur Bantou, et oui. Je vais vous surprendre en disant que j'ai bien aimé ça. Ben, disons qu'il était un petit peu harcelant sur Facebook, comme de quoi que Pierre Quenders est le nouveau Jésus. Oui, je pense. Ben oui. Kanye West, il peut reprendre sa retraite. C'est Kanye West qui faisait tout le temps ça, je suis le nouveau Messie. Oui. Mais ouais, vraiment très, très humble de lui-même. Mais avec Pierre Quenders, il va connaître une descente aux enfers. Ben, c'est que Pierre Quenders n'a pas la prétention d'être le meilleur. Non. C'est juste toi qui lui donne ce titre-là. T'sais. Oui, puis j'ai le droit. T'as le droit, exactement, de le vénérer comme ça. Ben non, c'est sûr qu'il n'est pas parfait, mais Pierre Quenders, c'est quand même une belle révélation pour ceux et celles qui ne connaissent pas Pierre Quenders. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai cherché le disque de Pierre Quenders dans un disquaire et malheureusement, la disquaire ne connaissait pas Pierre Quenders. Hein? Non. Mais le change de disquaire. Ouais. Ben non, mais c'est pas de sa faute parce que Pierre Quenders, il est pas hyper connu non plus. Non, mais c'est comme on dit ici, assez fou, big dans l'underground. Oui, sauf qu'il a quand même gagné le prix Révélation Monde, mais c'est sûr que la catégorie monde, c'est pas catégorie pop ou catégorie jazz. Mm-hmm. C'est pas... malheureusement, c'est encore sous-considéré, mais bon. Petite parenthèse éditoriale là-dedans. Donc, Pierre Quenders, il a sorti un album la semaine dernière qui s'appelle Le Dernier Empereur Bantou, et c'est un bon mélange avec Radio Radio, puisque justement, Nom de Plume, qui était un des anciens membres de Radio Radio, a produit l'album avec Pierre Quenders, entre autres, et il y a des mélanges reggae et électro, et il y a aussi des sons tribaux d'origine congolaise, parce que Pierre Quenders vient du Congo. Mm-hmm. Donc, toute cette espèce de mélange vraiment intéressant. Et ce que j'ai aimé de l'album, c'est qu'il y a un côté très entêtant. Par exemple, Popo Lito, la chanson, là, vous allez avoir Popo Lito pendant un mois dans la tête. Et y a c'est un pour côté... ça que tu ne l'as pas mis ce matin. C'est pas celle-là que je vous ai mis. C'est Ali Bomaye qui a un petit côté très reggae, mais qui est très entraînante et qui chante avec Samito, qui est d'origine du Mozambique. On écoute ça là? Oui. Vite de même? Oui. Black Wenders. Rue d'une automne qui me chauffe, Black Wenders. Théâtre, Mathieu, je m'ennuie de toi. C'est les notes salées. Toi aussi, c'était je m'ennuie de toi. Hein, qui tu parles? À toi. Je m'ennuie de toi. Ah, pareil, mais. Ali Boumaye de Pierre Quenders en collaboration de Samito, tiré de l'album Le Dernier Empereur Bantou. Et en fait, le Bantou, c'est une tribu, en fait, un peuple qui était dans le coin du Congo. Je sais pas trop c'est quoi le territoire exact, mais c'était un grand empire parce qu'avant la colonisation africaine, il y avait de super gros empires en Afrique. Donc, c'est un hommage à la grandeur africaine. Ah ben, ben c'est bien ça. Oui. Ben oui. C'est Pierre Quenders qu'on écoute dans les notes salées de David Ferron. Oui. C'est ton côté, ça c'était cheddar. Oui. Ça, ça veut dire que c'est positif pour oui. David. Okay. Et t'as le côté ramen qui pour David veut dire quelque chose de négatif. Ben pas. N'importe quoi. Imagine les ramen, les ratinos cheddar, ça doit être malade. Moi, je comprends pas, ça. Ben peut-être, ouais, c'est quoi que, qui est salé que vous trouvez dégueulasse? Du feta. Ah, ben peut-être feta, mais ah, moi, j'aime ouais. ça, le feta. Ouais, j'aime un petit peu ça quand même. Moi aussi, dans une pizza, c'est super bon. Pizza avec olive noire, tomate, pesto, là, c'est bien écœurant. De la misère avec le feta. Il y en a qui diraient des anchois, je pense. Hein. Ah, peut-être. Oui, non, ça. Ah. C'est bon, ça? Ouais, c'est bon. C'est bon, ça. Mais tu sais, on s'entendra jamais, c'est ça le principe. Fait qu'on va y aller avec des notes ramen, si tu y tiens vraiment. On changera à chaque semaine. Ben, c'est ça que tu fais à date. Ben oui. Les trois fois qu'on s'est vu depuis le début de la session. Mais j'adore, tout le monde est d'accord pour dire que c'est bon. C'est très bon, le cheddar, oui. Oui, mais c'est salé, ça aussi. Ben oui. OK. Donc, Mino, il ramène, c'est que le mois d'octobre, au niveau musical, au Québec, ça a vraiment été un mois horrible au niveau des sorties d'albums. J'entends dire ça. On me dit ça à tous les jours de ces temps-ci, que c'est très, très, très faible côté francophone. Oui, parce que là, on a eu Sylvain Cossette qui a sorti un album. On a eu Maxime Landry qui a sorti un album. Il y a eu David Jalbert. Excusez-moi, David Jalbert, là. Il y en a qui disent ah, « c'est un super bon auteur-compositeur pour c'est moi. » C'est pas parti, hein? Non, puis là, il y a toujours une voix que c'est comme s'il se faisait étrangler. Ouais, ouais. C'est comme un mouton à qui on a mis l'espèce de voix de désespéré. Mais tu sais, tant mieux s'il y a des gens qui aiment ça, tant mieux. Mais ouais. Moi, j'aime pas ça personnellement. Non. Mais c'est une opinion personnelle. Exact. Et il y a également qui d'autre? Mario Pelcha qui voulait mettre fin à sa carrière. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Hey, c'est beau, la résilience. C'est ça. Et là, devinez quoi, les quatre artistes que je viens de slugger sont tous dans le top 4 des meilleures ventes d'albums? Parfait, ça. Non. C'est exactement ce que les gens méritent. Et nous, est-ce qu'on mérite ça? Donc, mais ça veut dire que Mario Pelcha, qui se plaignit de ne plus vendre d'albums, va encore faire des albums. Ouais, mais tu sais, voyons. Non. Parce qu'il vend des albums. Ben, c'est ça, c'est sa job. Oui, c'est correct, je comprends ça, mais le problème, c'est que, oui, ils ont le droit d'exister, ils ont le droit d'avoir leur public, les gens ont le droit d'acheter des albums, mais le problème, c'est que c'est toujours la même chose et c'est toujours pistonné par les mêmes radios et que ça ressorte en même temps avec toujours... Parce que je trouve, depuis quelques années, je trouve que dans les radios plus commerciaux, on dirait qu'on ose moins, que c'est moins éclaté. Par exemple, dans les années 90, on avait un groupe autochtone Cachetine, on avait des clips super flyés de Joe Beaucan et Mitsou. Oui, on dirait que... Oui, c'est vrai que Mitsou, c'est pas une grande artiste, grande chanteuse, mais au moins, elle a ramené quelque chose d'original, nouveau de la vie. Ouais, on essayait des affaires, ouais. Oui, c'était le fun. Là, je trouve ça fade. Et là, en plus, la pochette d'album, à part celle de David Jalbert, au moins est belle, sa pochette d'album. OK. Ah. C'est toujours genre un décor champêtre. Champêtre. Oui, champêtre. Champêtre plus haut que le trou. Oui, exactement. Ah non, mais c'est carrément ça, t'as raison. Et là, avec une petite lumière dans un coin, lumière pour illuminer la pochette d'album et là, la face de l'artiste. Bref, très original. Manque de créativité totale et ça, je suis tanné. Parce qu'on dit que la culture est la nourriture de l'âme. Eh bien, nous, au Québec, on est vraiment affamé, mais c'est pas grave. De toute façon, novembre qui s'en vient, c'est le mois des morts. Et pour enfoncer le clou dans le cercueil, eh bien, il y a le retour tant attendu de Joanne Blouin. Je sais pas qui l'entend, mais pas nous trois, sûrement. Parce qu'elle va faire une espèce d'album de reprise et elle reprend même une toune de Mireille Mathieu qui, elle, Mireille Mathieu, a repris de ABBA. Ton idole, Mireille Mathieu, je pense. Hein? Ça oui. nous en parle à la plupart de tes chroniques. Ouais, mais c'est pas de ma faute. Joanne Blouin me met ça dans la face aujourd'hui. Donc, c'est malheureusement, le mois d'octobre, ça a été un mois atroce, mais par contre, ça va être compensé notamment par Pierre Quenders, mais aussi par Mara Tremblay et aussi par, sa gauche, je crois, celui qui était dans Carquois. Je pense que c'est ça, oui. Oui, vraiment, il a sorti une toune. Bon, c'est pire d'abord. Oui, ça compense. Et là, je vous présente deux albums qui sont sortis dans ces dernières semaines et qui permettent justement de nous faire digérer parce qu'on dit que tous les goûts sont dans la nature, mais j'ai comme l'impression que la nature nous a offert une belle gastro-entérite. Donc, quelle belle image. Tu dis, tous les Legos sont dans la nature? Non, tous les goûts. Ah. Tous les égouts. Tous les égouts. Oui. Okay. Ben là, c'était carrément ça. Oui, C'est sûr que oui, ils ont le droit d'exister, ils ont le droit de chanter, parce que c'est bien que les gens achètent ça pour écouter de la musique québécoise. Mais en même temps, faudrait qu'on ose un petit peu plus. Un petit peu, à peine. Essayez. Au moins un petit peu, ouais. Tu sais. Tandis que là, ce que je veux faire jouer, d'abord, la chanson Grizzly Bear de Betty Bonifaci, qui a enfin sorti son album à elle. Ça fait quand même 20 ans qu'on l'entend. Moi, je l'ai découvert avec Dre King in L.A. de Run Van 3000, c'est elle qui chante cette chanson-là. Et là, elle l'a chanté avec Beast, avec le triplet de Belleville, avec aussi DJ Champion. Elle a chanté des tunes du premier album de DJ Champion, c'est elle. Donc, cette voix soul qu'on entend très peu au Québec, eh bien, elle, ce qu'elle a fait dans son album éponyme, qu'elle a sorti il y a quelques semaines, c'est qu'elle a repris des chansons traditionnelles afro-américaines pour rendre hommage à la culture afro-américaine. Et elle les aurait mis au goût du jour. Un peu comme Pierre Quenders fait, finalement, lui aussi. C'est de la musique... Mais lui, c'est des chansons originales, par contre. Lui, c'est des chansons originales. Oui. Donc, avec Grizzly Bear, voici Betty Bonifaci. Oui. Pas avec Grizzly Bear, qui est un autre groupe non, de musique. Non, c'est un nom de titre. Et après ça, on va entendre Daran avec une sorte d'église qu'il reprend dans son album qui est sorti il y a une ou deux semaines. Son album Daran, c'est Le Monde Perdu. Et c'est vraiment très acoustique, c'est vraiment très reposant. Et là, il reprend une sorte d'église qui, je pense, est son plus grand hit. Mais là, on va entendre la version originale d'une sorte d'église. Et ça, c'est sorti, c'est tiré de son album Pêcheur de pierre, qui est sorti il y a 11 ans déjà. Cool, on écoute les deux de suite. Oui. L'assemblage requis, c'est les notes 5. Oui. Watch out for this old mean. He comes a-walking and this old mean. Huffing, puffing, wobbling, swab, I'm telling you, he's an old mean. I know he's huffing and puffing. Who is a soldier who's trying to steal my soul, walking, watch him work his soul. I'm gonna kill this old mean. Let's go. Je voulais pour nous deux bien mieux qu'une croyance. Alors je t'ai trouvé une sorte d'église dont les murs ne sont pas couverts de faïence ni de marbre. Les vitraux je les brise, les piliers sont des arbres. L'autel est un rocher tapissé de lichen. On n'y parle ni pardon ni péché. On n'y fait pas commerce de douleur et de peine. On n'y adore ni Dieu ni diable, mais la beauté des corps et le sort qui a mis ton amour dans mes veines. Je nous veux sans frontières, sans limites et sans loi. Je veux te respirer, te vivre, vivre en toi. Et croire qu'avant nous, tout ça n'existe pas. Que nous méritons bien plus haut qu'une voûte. Alors je t'ai trouvé une plaine sans route et sans autre limite que les points cardinaux, et sans trace que celle de nos chevaux qui absorbent l'espace. Au sommet d'une colline j'allume une flamme pour qu'on sache qu'un homme et une femme fêteront sous la lune la nuit de l'origine. Sacrifice au bonheur de leurs âmes, au futur de leurs fils. Ici les dieux s'adorent sans aucun artifice. Je nous veux sans frontières, sans limites et sans loi. Je veux te respirer, toi, et croire qu'avant nous, tout ça n'existait pas. Et croire qu'avant nous, tout ça n'existait pas. C'était une sorte d'église de Daran tirée de son album Pêcheur de pierre qui est sorti en 2003, mais qui reprend ça dans son plus récent album en mode beaucoup plus acoustique, donc moins 2003, c'est-à-dire l'album Le Monde perdu, qui est vraiment un très bon disque. Et ce qu'on a entendu avant, c'est enfin Betty Bonifaci qui sort un album solo après 20 ans à l'entendre pour... de multiples collaborations. Donc, on a entendu la pièce Grizzly Beer, tirée de son album éponyme. Génial, David La Ferron. Bière Grizzly. Oui, voilà, voilà. Donc, on se retrouve dans une semaine. Oui, si vous voulez, je ne sais pas si dans une semaine ou pas, ça va dépendre de mon état... psychologique? De mon état intestinal. Intestinal, wow, on n'y va pas avec... avec le dos de la main morte. Donc, bon, on se retrouve éventuellement un certain lundi. À 8 heures environ, peut-être plus tard, peut-être avant. Oui, si vous voulez. Quand ça t'adonne, David Ferron. Ben oui, c'est gentil de m'accueillir. Les notes salées, merci David. Bienvenue. Autour de la pause, on va se faire, je pense, presque une heure environ de C'est un fait pour le reste de l'émission. Allez, on se gâte. On va se gâter pas mal pour l'instant avec quelques petits messages. Des messages sages. Fou de musique. C'est fou, 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, c'est toujours à Assemblage requis à 8h40 en ce lundi matin. Elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. On a gardé David Ferron avec nous, bien sûr. Comment s'en débarrasser si vous avez des conseils pour nous, on les prenant. Mais bonjour, David. Oh. Bonjour. C'était du premier degré, ça? C'était difficile. Non, ben, ouais. Je vous ai entendu dire que vous voulez débarrasser de moi. Ben non, jamais. Ça où? Sur les ondes FM? Oui, sur les ondes de C'est fou, quand on a fait un FM. On peut rien croire de ce qu'on entend sur les ondes de la radio. Voyons donc, franchement, David, c'est tout des mensonges. Les animateurs sont vraiment okay. Méchants. Okay. Donc, David, tu nous amènes une suggestion musicale. Non, je veux plus juste ça. Non, je veux plus être dans vos vies. Bagarre. Manger du sable. On va jouer ta chanson quand même. C'est une chanson 8-bit qu'on appelle. Donc, une chanson, moi, je dirais chiptune dans le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, les mardis après-midi. Mais c'est une inspiration, donc, jeu vidéo un petit peu par la formation Marina and the Diamonds. C'est la pièce Fruit, F-R-O-O-T, qu'on s'en va entendre, donc, à l'instant, dans Assemblage requis. Marina and the Diamonds. C'est ça. Cherry tree. C'était Marina and the Diamonds avec Fruit. À Assemblage Rocky, c'était une suggestion de David Ferron avec un petit peu de musique de jeux vidéo derrière, mais très subtil, pas assez pour déranger les oreilles chastes qui n'aiment pas la musique de jeux vidéo. C'est une semaine maintenant à parler de choses en général dans la vie, se renseigner un peu, parce que c'est la semaine des travaux, de travaux et d'études dans ce moment. Donc voici, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. David! Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Ok, pas là ça. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables selon Internet. Commençons avec un homme qui a été nominé pour le prix Nobel 80 fois mais n'a jamais gagné. Oh. Est-ce qu'on l'a déjà fait celle-là? Je sais pas, tu as eu l'impression de déjà vu? J'ai eu l'impression de déjà vu, mais je pense que c'est comme ça fait 6 fois que je le lis puis que je le garde pour une mais autre parce fois. Que peut-être, non, mais parce que peut-être qu'il est rendu avec une nomination supplémentaire. Peut-être, ça doit être ça, ça a changé depuis. Donc, le nombre de personnes dans le monde de la physique qui ont été nominées pour un prix Nobel est gigantesque et en fait un des plus importants physiciens de l'histoire n'a jamais gagné le prix Nobel. Hey, ça doit être insultant. Vraiment, là. Donc, il y en a plusieurs qui n'ont pas été nominés parce qu'ils n'étaient pas nés en 1895 quand les prix Nobel ont commencé. C'est ça. Quand même. Et d'autres parce qu'ils ne croyaient pas en ce qu'ils faisaient au départ et d'autres parce qu'ils compétitionnaient contre des génies. Par contre, Arnold Summerfield est l'exemple parfait de l'ironie. Arnold Summerfield, un physicien théorique, oui, superviseur au doctorat pour 4 physiciens qui plus tard ont gagné des prix Nobel dans le monde de la physique. Donc, il était aussi superviseur académique pour 2 autres qui ont aussi gagné un prix Nobel. Oh. Lui-même a été nominé 81 fois et malgré son dur labeur, il n'a jamais réussi à se rendre jusqu'au Grand Prix. Il est mort sans prix Nobel. Comment il s'appelle? C'est monsieur, oui, on va lui rendre hommage, nous. Hein? Oui. C'est monsieur, attention, Arnold Summerfield. Monsieur Summerfield. Ouais. Peut-être que vous entendez dans l'au-delà grâce aux ondes FM, mais je tiens à vous dire que je vous respecte pour votre travail. Respect, bro. Ouais. Respect, bro. Mais pour vrai, j'espère qu'il n'y avait pas d'amertume. J'espère qu'il était quand même fier de son travail et de ce qu'il a accompli. Sûrement. Et sa belle moustache aussi, il faut le dire. Il avait une belle moustache. Oh! En plus. Il avait-tu une moustache de champion en plus? Une moustache de champion. Oh. Vraiment. Ensuite, on a parlé de Breaking Bad à l'émission récemment, tantôt. Certains, genre, diraient, certains pourraient dire tantôt. Donc, le neurologue, Dr. Oliver Sacks a écrit un livre nommé « The Man Who Mistook His Wife for a Hat and Other Clinical Tales ». Un petit titre concis. Accrocheur, comme on dit. Donc, « L'homme qui a pris sa femme pour un chapeau et autres aventures cliniques ». Dans son livre, il décrit un cas En fait plusieurs cas dans différents petits essais. Le livre a été publié en 1985. Là-dedans, il y a une histoire qui s'appelle « Le chien en dessous de la peau », donc « The dog beneath the skin ». Sachs décrit là-dedans avoir rencontré un étudiant en médecine de 22 ans qui, après avoir pris de la méthamphétamine, des drogues un peu comme dans « Breaking Bad », il a rêvé qu'il était un chien et a vécu dans son rêve. Dans le fond, il sentait tous les odeurs qu'un chien sent tous les jours. Et quand cet étudiant-là s'est réveillé, il a réalisé que son habileté n'était pas partie. Et donc, il y avait encore le sens de l'odorat aiguisé comme un chien pendant les 3 semaines suivantes. Il reconnaissait les gens par leur odeur. Et après 3 semaines, pouf, le pouvoir est disparu. Plusieurs années plus tard, Sachs a révélé qu'un étudiant nommé Stephen Lee dans son livre était, la grosse surprise ici, attention, punchline, était lui-même. Le gars, là. Docteur Oliver Sachs. Donc, c'est lui qui avait vécu cette expérience-là, décrite dans le livre. Qui, mot passant, sort de ce corps. Voix de genre, c'est mettons. Étrange. Il y a une bâtisse, le Hancock Building à Boston, qui a 2 poids de 300 tonnes sur le toit. Pourquoi? Pour que Hulk puisse faire des poids yalter. Exactement, ça c'est tout. Tu l'as dit, on passe au prochain. La bâtisse John Hancock Building, qu'on appelle aussi le Hancock, est un gratte-ciel de 60 étages à Boston, construit en 1976. Le Hancock a le titre de la plus grande bâtisse de Boston depuis plus de 30 ans. C'est aussi la plus haute bâtisse dans la Nouvelle-Angleterre. Le style de la bâtisse était supposé, être mince, très très grand. Et montrer surtout de la vitre à l'extérieur. Henry N. Cobb a donc affronté le défi de créer le plus récent gratte-ciel de Boston. Et donc, une icône que, dans le futur, dans le fond, il voulait créer quelque chose qui allait être reconnu à travers le temps. Il a utilisé les plus grandes fenêtres possibles. Il a essayé d'avoir le moins de contours de fenêtres possibles, le moins de cadrage de fenêtres possibles. Ces fenêtres-là ont été teintes bleues. Pour que la bâtisse puisse vraiment se fondre dans le décor du soleil, pas du soleil, mais du ciel, lorsqu'il fait soleil. Voilà, et donc ces grosses fenêtres-là, n'ayant pas de contour, de cadrage de fenêtres, Colin, les fenêtres n'arrêtaient pas de tomber sur le trottoir en bas. Ouais. Donc c'était une des réparations qu'ils ont dû faire avant d'ouvrir la bâtisse 5 ans plus tard. 5 ans après la date prévue. Donc, après essais et erreurs et après avoir réparé tous les problèmes avec, entre autres, du contreplaqué, la bâtisse a finalement pu ouvrir. Et comme la bâtisse commençait à être occupée par des habitants, ben, le gérant, le gestionnaire de la bâtisse recevait des plaintes de la part d'employés disant qu'ils avaient le mal du mouvement. Parce que, savais-tu que la plupart des gratte-ciels vont bouger un petit peu avec le vent? Mm-hmm. Et ces mouvements-là permettent à la structure donc de ne pas avoir à soutenir tout le vent. Qui est envoyé dessus, donc on lui laisse un petit jeu, si on veut, pour rendre la bâtisse un petit peu plus droite. Ils ont mis 2 poids de 300 tonnes sur le toit. Voyons donc. Ils sont remplis de plomb. Ils ont mis des deux côtés de la bâtisse pour aider à empêcher le mouvement. C'est pour stabiliser le gratte-ciel. Ouais. Pour pas avoir le mal du mouvement dans ton endroit où tu travailles. Hey, ça, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Avec, il faut que tu prennes 2 gravoles avant d'aller travailler. Là. Puis tu tiennes ton café vraiment. Oh, attention, oh, attention, oh, attention. C'est pas le fun. Une œuvre d'art intéressante est à l'extérieur du Stock Exchange italien. Ça, c'est la place où on fait des affaires en bourse. Donc, l'artiste italien a récemment pu installer une grosse statue d'un finger. Sur un piédestal près du Italian Stock Exchange, une grosse main avec le doigt du milieu dans les airs. C'est l'artiste Maurizio Cattelan qui a fabriqué cette sculpture-là au début de l'automne 2010. Le nom de la sculpture est Love, L-O-V-E. Elle fait 13 pieds de haut, 36 pieds de haut si on inclut la base. Et c'est fait entièrement de marbre. Le Stock Exchange n'a pas demandé, commandé en fait cette pièce-là, mais ils ont quand même reçu l'approbation de la ville avant de pouvoir la créer. Pourquoi est-ce qu'ils ont accepté ce gros fuck you? Les administrateurs disent qu'on voulait être confirmé comme la capitale de l'art contemporain. Et donc on accepte même ce qu'on n'aime pas. On accepte même ce que l'on n'aime pas pour être progressif, si on veut. Donc, le titre d'origine était Umina Munda Mundis, qui veut dire To the pure men, all things are pure. Pour les hommes purs, tout est pur. Mais on a changé plus tard pour Love, L-O-V-E, qui veut dire amour, hein? Love. On tu sais. Oui, merci de la traduction. Absolument. Mais on peut aussi lire entre les lignes et se faire sa propre définition du mot love, parce que c'est L.O.V.E. Ils n'ont pas juste le mot love. Oh! Tu vois que ça va plus loin. Là. L'auteur ne donne pas un acronyme personnalisé, non? Il veut que tu te crées ton propre acronyme. Peut-être en latin, on sait pas. Peut-être omina munda mundis, mais dit autrement. Mais je sais que, par exemple, en suédois, si je me trompe pas, love avec la petite barre sur le O, ça veut dire lion. Oh, lion. Ben, tu vois, c'est peut-être ça, un lion qui fait un fuck you. Mais s'il n'y a pas de barre sur le O, c'est pas lion. D'accord, d'accord. Donc, on essaie d'envoyer un message au banquier, nous dit-on, avec cette main et le doigt dans les airs. Un homme a sauvé un bébé d'une poubelle pour apprendre plus tard le punch. On dira plus tard dans l'article. Hey! Un homme qui est sauté dans les poubelles pour sauver un nouveau-né qui avait été découvert par un autre passant dans la rue a plus tard appris que le bébé garçon était le sien. L'homme qui disait être le père du bébé disait qu'il n'était pas... Attends. L'homme qui disait être le père du bébé disait qu'il n'était pas au courant que la femme, sa copine, était enceinte. Une heure après avoir trouvé le bébé, une femme a été amenée à l'hôpital en condition stable par les services d'urgence médicale. La police a confirmé ensuite que c'était bel et bien la mère. Les enquêteurs croient qu'elle n'était pas au courant qu'elle était enceinte avant la naissance et que le père n'était pas au courant qu'il avait un fils jusqu'à l'incident. Rien donc, il a trouvé un enfant dans les poubelles. J'imagine que la femme... Elle a sacré au vidange. Sacré l'enfant au vidange. T'sais, les gens sont fous. Des personnes ambulances. Ouais. Oh boy. C'est un petit peu fucké. Elle était pas juste enceinte sans le savoir, hein? Elle était fuckée sans le savoir aussi. Cet automne, Canal Vie. Au Danemark, on dit que c'est le pays le plus heureux du monde, mais il y a une petite twist à ça. OK. C'est pas juste le pays le plus heureux du monde, c'est le pays le plus heureux du monde pour des raisons bizarres. Parce qu'il y a personne. Non, pire que ça. Pendant 30 ans, donc, Danemark a été voté comme le pays le plus heureux avec les citoyens les plus heureux du monde. Mais ben oui, c'est ça. Il y avait les politiciens là, avec des guns à la tempe des citoyens. Ah ouais, vote que t'es heureux! Mais avant de tout ça, vendre... C'est la twist, non? C'est pas la twist. Avant de tout vendre, de déménager au Danemark, ça peut-être une bonne idée de savoir pourquoi ils sont si heureux. Ben, premièrement, c'est pas le pays le plus riche du monde. La météo là-bas est juste correcte. Hein, et les gens boivent et fument beaucoup. Mais c'est pas la raison de leur bonheur non plus, hein? Ouais. C'est parce qu'ils ont de faibles attentes. Le professeur Carrie Christensen de l'Université University of Southern Denmark a décidé de savoir pourquoi, d'apprendre pourquoi les Danois étaient aussi heureux. Dans le fond, ce qu'ils ont découvert, c'est que les Danois étaient peut-être très heureux par rapport à leur vie, mais quand on regardait leurs attentes, la barre était très basse. Mm-hmm. Donc, ils sont très heureux quand les choses ne finissent pas aussi mal qu'ils croyaient que ça allait finir, tu comprends. Il y a aussi une autre attrape à leur bonheur, c'est aussi l'Europe, dans le fond, le Danemark, c'est aussi le deuxième plus grand consommateur en Europe d'antidépresseurs. Ben là, c'est parce que... OK, ils sont tous gelés. Ils sont tous gelés. Et en plus, on l'a dit tantôt, ils fument beaucoup et ils boivent beaucoup. Mm-hmm. Donc, c'est la combinaison de leur bonheur. Finalement, tout se met de s'en aller dans... Je sais pas, à Bali. À Bali. Tant qu'à aller au Danemark. Ben voilà, tant qu'à faire. Il y a une photo sur assemblagerequis.com que je trouvais quand même intéressante. Je sais pas si c'est basé sur la réalité, parce que souvent les photos qui accompagnent les articles sur les sites sont juste pour être cute. Là. Mais aux États-Unis, la prise de courant et au Canada aussi, c'est un petit bonhomme sourire, mais tu sais, avec le sourire par en bouche, je sais pas si t'as remarqué quand même. Le sourire est comme triste. Alors qu'au Danemark, c'est deux ronds avec un sourire, mais par en haut. C'est n'importe quoi. Donc, au Danemark, je sais pas si c'est fait pour ça, là, mais... C'est les prises européennes, c'est comme ça en France aussi. Ben voilà, donc ils sont plus heureuses. C'est plein. Pourquoi ils ont fait de bonne humeur? Ouais. Pourquoi est-ce qu'on est encore malheureux à nos prises? On change tout ça. On a tout changé, ça. Seulement 20% du Sahara est couvert de sable. 20%? Quand on pense au Sahara... Le reste, c'est du monde mort de soi. Non. Quand on pense au Sahara, on pense évidemment aux dunes de sable et peut-être un petit peu à des oasis une fois de temps en temps. Mais seulement 20% du Sahara est couvert de dunes de sable. Le désert, qui couvre 8,5 millions de kilomètres carrés, est formé non seulement de dunes de sable, mais aussi de gravelles, de montagnes et de plaines de sel. Ah! Oh. C'est vrai. Donc, quand même pas mal de variétés là-dessus. Dans les parties les plus sèches du Sahara, la pluie annuellement n'excède pas 25 mm. Et à des endroits où il pleut, l'eau va s'évaporer à la place de couler dans le sol. Wow. Étrange. L'Antarctique, parlant de désert, est techniquement un désert. Oui. L'Antarctique, c'est le plus gros désert du monde, en fait. Donc, c'est un désert polaire où la principale précipitation est bien sûr de la neige. Le désert de l'Antarctique est le plus gros et probablement même le plus célèbre de ces déserts polaires. C'est aussi le plus gros de tous les déserts de la planète. Surprenamment, le numéro 2 est aussi un désert polaire. C'est le désert arctique qui couvre le pôle Nord et presque tout le cercle arctique. Les déserts, qu'ils soient chauds ou froids, jouent un rôle très important dans la l'irrégularisation de la température sur la Terre parce qu'ils ont un plus élevé albédo, A-L-B-E-D-O. Donc, c'est le fait de refléter quelque chose que d'autres parties du monde. Avec un albédo plus élevé, ouais, ils vont refléter les rayons du soleil en retour vers l'espace et ils vont garder la Terre plus froide qu'elle aurait été s'il n'y avait pas eu de désert du tout. Ah, intéressant. Voilà. Ça sert à quelque chose. Tu sais? Pas juste à perdre ton chameau. C'est ça. Donc là, on vient de renvoyer des rayons dans l'espace. Plus tôt, on a déjà fait ça. Mais plus tard à l'émission. Ah, mais ça dépend. T'as juste à... Tu mettras ça au montage. On va le faire plus tôt. Là, on vous le dit, puis ça a l'air vraiment malade. La partie 2 va jouer avant la partie 1. Ça va être cœur. Tantôt, on va apprendre comment ça sent dans l'espace. Ah! Ooh. Moi, je suis sûr que ça sent le bacon. Si seulement. Je peux déjà te voler le punch que ça ne sent pas le bacon. Ah. Le chocolat? Non plus. Mais tes proches vont bien avec le chocolat. Hein? Pense-y encore un peu. Dans la deuxième banana partie de cette fête. Banana split! Non, banana split! Vraiment pas. Non, vraiment pas. C'est un fait. Continue dans 2 minutes. Restez là. Dans Assemblage Rookie. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon, retour toujours à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées avec Stéphanie Paradis. Et avec Mathieu Plante. Oui, on a réussi à se débarrasser de David Ferrer. Dans quelques instants, on va continuer avec une deuxième partie de cet fait. Mais avant ça, un nouvel extrait de Propofol sur leur album Le Banquier. On connaissait bien la pièce Fibre Optique, on connaissait bien Commando. Apprenons à connaître un petit peu plus La Rivière. Ça, c'est fou. 89 FM. francophone et la rivière. Pour ceux qui étaient avec nous plus tôt dans l'émission, au début de la chronique de David Ferron, on a présenté les personnages de Marie Melon. Je ne vais pas revenir là-dessus trop longtemps parce que quand même, ce serait gossant un petit peu d'en reparler. Mais j'ai eu un commentaire sur Facebook d'un certain Olivier qui dit « Mon cadran toujours assez fou, je me suis levé avec Madame Melon ce matin. Elle a de tout petits bras, c'était weird. » T'as bien raison. Sa journée a dû partir bizarre. Elle commence de la mauvaise main avec des petites têtes sur nos bottes. Maintenant, de retour à cet effet. Faut-tu rechanter? Ouais. Ah. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, c'est la collecte des choses véridiques, véritables et vérifiables, toujours selon Internet. Je vous avais promis de vous parler de l'odeur dans l'espace. Ouais, puis ça, le café. Non, t'as d'autres chances encore. Le pogo. Non, vas-y, quelque chose qui va avec, avec le chocolat, tantôt, t'avais dit. Le lait. Non. Les chips. Tu penses à des fruits que tu trempais dans le chocolat dans une fontaine. Bananes. Non. Mais des bananes. Ça goûte les framboises. Ah, ça goûte et ça sent les framboises. C'est... C'est pas vrai. De? Que ça sent les framboises. Ben, c'est supposé en fait goûter les framboises. Donc on goûter? Va... Ouais, c'est ça, c'est encore pire. Mais c'est l'odeur qui va avec ça, le goût. Ben, c'est pas pire, ça pourrait goûter à... Ça pourrait facilement goûter la... Ça pourrait goûter le foie de veau. Donc, c'est un truc chimique qui s'appelle ethyl formate. C'est un ester. Moi, je connais rien dans ces affaires-là, mais c'est créé par... lorsque l'éthanol et l'acide formique réagissent l'un avec l'autre, quelque chose comme ça. Et bref, c'est supposément le même truc chimique qui donne la saveur aux framboises dans la vie de tous les jours. Ah. Donc, l'éthyl méthanoate, donc même si généralement c'est approuvé par le FDA, ça c'est la Food and Drug Administration, ceux qui gèrent la nourriture aux États-Unis. Les drogues. Ça peut, oui, ça peut être mortel en dose concentrée et en plus grosse proportion. Si on pouvait respirer dans l'espace et qu'on réussissait à trouver un de ces nuages, hein, et marcher dedans avec la bouche grande ouverte, on mourrait. Ben, on aurait plusieurs symptômes, l'irritation des yeux, de la peau, des membranes muqueuses et du système respiratoire, en plus de la dépression du système nerveux. Par contre, en petite dose modérée, comme celle qu'on trouve dans les framboises, c'est correct. Ah. Mais faudrait okay. pas un... Fait que ça prendrait... Si je m'écrase des framboises dans la face, je suis correct? T'es encore correct. OK. Tu peux faire bien des affaires avant que ce soit considéré malsain. OK. Ben, malsain, ça, c'est relatif. C'est ça. 71%. C'est la nouvelle façon de le dire. Ça a commencé en France, certains. C'est sûrement 71% de la Terre donc est couvert d'eau. Mais c'est combien d'eau? C'est gros comment, ça, cette histoire-là, 71% de la Terre? On sait donc que la Terre, 71% d'eau, c'est bien précis, on sait. Parce que nos océans sont très, très peu profonds. Ils sont presque superficiels comparés à la masse de la Terre. Donc, ce 71%... 64, deux fois 71. De suite. Pourquoi est-ce que j'ai envie de dire 71%? C'est vraiment bizarre, ça. En tout cas, bref, ça fait seulement 0,02% de la masse de la Terre. Oui, c'est dur à croire, mais nos océans sont très, très superficiels comparés au diamètre de la Terre en général. Notre planète fait environ 40 000 km de diamètre, donc 24 900 000 de diamètre, alors que les océans, à leur plus profond, ne font que 11 km de diamètre. On se comprend? Non. Non, mais c'est pas grave. Donc, de toute cette eau-là, seulement 2,5% est de l'eau fraîche. Le reste est contenu dans des océans. Et de toute cette eau fraîche-là, 67% est gelée. Et si douce? De l'eau douce, oui. Exact. Donc, si on faisait fondre toute l'eau glacée et qu'on la laissait aller dans les rivières, le niveau de la mer monterait d'environ 2,7 km. Montrait d'environ 2,7 km. C'est exactement ça. Ouais. Quand même. Quand même, pas mal. On l'a dit, 71% de la Terre est composée d'eau, mais on a exploré seulement 5% de tout ça. Donc, plus de 65% du monde est complètement non exploré, inexploré. L'océan est très, très gros. En fait, c'est tellement gros qu'on a à peine gratté la surface côté c'est exploration. C'est fou, hein? On est capable d'aller dans l'espace, mais on n'est pas capable d'aller au fond de nos océans. De nos propres océans qui nous appartiennent. Oui, puis non. À la Terre, genre, mettons. Donc, selon certains estimés, on a seulement exploré 5 à 7% du plancher de l'océan et moins de 0,5% du volume total de notre eau. La raison principale pour laquelle on a exploré si peu de nos océans, c'est parce que c'est difficile de se rendre en bas. Hein. Plus on descend, plus c'est impossible de survivre. Exactement, la pression. Sans équipement spécialisé qui est fait pour qui est fait pour supporter la pression extrême et les températures, les différences de température. Plus tu descends, de plus en plus profond. Hein? La pression de l'océan va augmenter d'une atmosphère à environ chaque 10 mètres de profondeur, ce qui veut dire que dans la partie la plus profonde de l'océan, la pression peut être 1000 fois plus élevée que la pression au niveau... Hey, c'est énorme, là. Ouais, de la mer. Tu te fais de la compote de pommes crute. De toi-même. Ouais. Genre. Le vent, maintenant. Le vent peut jouer de la musique. Hein? Ça, on le sait, parce qu'il y a des petits dugus qu'on met, puis ça gosse. Non, là, c'est pas de la musique, ça, là. Non, c'est juste du bruit gossant. Ouais. Gling, gling, gling, c'est comme taille. Mais, savais-tu que la mer peut aussi faire de la musique? Elle a son propre instrument. La baleine? La baleine, voilà, c'est tout. Prochain article. Donc, il y a un type d'instrument qui s'appelle le tidal organ. Donc, c'est l'orgue. L'organe. L'orgue des mers. Si on... okay. L'organe, non. L'orgue des mers. Hein? 71. L'organe de la mer. 71. Donc, il utilise les vagues pour jouer de la musique. Une de ces orgues-là est située à Zadar, en Croatie. Fabriqué par l'architecte Nicolas Basic. Ça faisait partie d'un projet pour remodeler, si on veut, la côte de l'eau, genre le bord de l'eau. Et ça a été ouvert au public en avril 2005. Donc, à Zadar, presque tout ce qui était devant la mer a été détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale, par contre. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, voilà. Donc, on essayait de le réparer rapidement, mais ça a été changé en une espèce de gros mur de ciment. L'orgue était en réponse à ça. Ça a eu du succès, ça a amené des touristes à ce site-là. Des escaliers en marbre qui mènent jusque dans l'eau. Hein, c'est ce qu'on voit à l'extérieur. Mais en dessous de ces escaliers-là, il y a un système de tubes et une cavité qui résonne là-dedans. Donc, ça change tout ça en instrument qui se joue un petit peu au hasard, mais avec des sons très harmonieux. Le son provient des trous. Tu peux pas en jouer. C'est vraiment la mer qui en joue. Un peu comme le petit gilling-gilling sur le bord de ton balcon. Avec le vent. C'est pas toi qui en joue, c'est le vent qui en joue. C'est ça. D'accord. La chose. Donc, le son vient des trous sur le dessus des escaliers. En plus de cette orgue de la mer... Il y a plusieurs autres tidal organs partout dans le monde. Le wave organ est situé à San Francisco. C'est des sons naturels des vagues et l'interactivité avec les tuyaux donc à différentes stations qu'on peut le contrôler, si je comprends bien. Ensuite, le high tide organ qui est situé dans la ville de Blackpool en Angleterre avec 50 pieds, des structures de 50 pieds de haut. On écrit ça comme la manifestation musicale de la mer. Mm-hmm. C'est une bonne idée quand même. En Finlande, parlons langage un petit peu. Le langage en Finlande est complètement neutre de tout genre. Il n'y a pas de pronom spécifique au genre comme il ou elle. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, le finnois, c'est ça que tu m'as dit? Oui, oui. Finnois, finnois. Qui est complètement neutre de tout genre, qui n'a pas de genre grammatical dans son langage. Le mot HN veut dire il et elle en même temps. Aussi, ils vont pas utiliser les versions masculines et féminines des occupations comme acteur, actrice. C'est le mot de base utilisé pour les deux genres. Pour les occupations, on a besoin absolument du mot homme, comme disons, bon, là, en anglais, on propose fireman, comme un pompier homme, finalement. Mm-hmm. Le mot finnois est plutôt, le mot mise, M-I-E-S, qui veut dire homme, est utilisé peu importe le genre. C'est un peu plus comme une personne, si on veut. Donc, okay. les langages sans genre... vont avoir des mots comme être humain, personne ou personne d'affaires à la place d'être un homme ou une femme d'affaires, on se comprend. Étant donné la neutralité des genres en finnois, souvent ils vont référer à un homme avec le mot elle et des femmes avec le mot il quand ils vont parler en français ou en anglais ou d'autres langues parce que pour eux c'est un concept étranger de devoir mettre un sexe à tout. Selon le Handbook of English Linguistics, les pronoms et les titres d'emploi spécifiques au genre, donc ceux qui sont plus génériques côté masculin, sont basés sur la convention que c'est pas parce que l'homme est meilleur que la femme dans ce sens-là, c'est plus que la convention est qu'historiquement on traite l'homme comme l'espèce humaine. T'sais, donc on va utiliser l'espèce humaine comme le mot homme finalement. Dans l'ancien anglais, le mot W-E-R, oui, faisait référence à l'homme seulement, alors que WIF, W-I-F, faisait référence aux femmes seulement, alors que le mot man maintenant était supposé référer les deux aux deux. Dans le fond, tu comprends que dans l'ancien anglais, il y avait were puis WIF qui étaient les deux séparés et man voulait dire le tout, l'être humain. Ça a pas marché. Et c'est devenu man et puis plus tard woman pour la femme. Ça a même pas marché. Ça a pas marché du tout. Donc c'est comme ça qu'on utilise ça en finnois. Le nom de cet homme mesure 746 lettres de long. C'est lui qui a le record pour le plus long nom du monde. Ben oui. Donc son vrai nom est Adolphe. Jusque-là, ça va bien. Oui. Blaine. Ouais. Charles. David, Earl, Frederick, Gerald, Hubert, Irvin, John, Kenneth, Lloyd, Martin, Nero, Oliver, Paul, Quincy, Randolph, Sherman, Thomas, Uncas, Victor, William, Xerxes, Yancy, Zeus, Wolf, chigalagalagala. Et ça continue avec un paquet de lettres qui n'ont pas rapport, mais dans le même monde. C'est le mot qui commence par W. Et à la fin, c'est Seigneur. Bien sûr, Seigneur, parce qu'il y a sûrement des fils qui... C'est Amalamalam Ding Dong Junior, et ensuite Amalamalam Ding Dong, le troisième. Ben voyons donc. Genre. Ouais, c'est son nom. Et t'as remarqué, quand j'ai fait la liste de Adolf, Blaine, Charles, etc., qui sont tout le temps dans l'ordre alphabétique, chacun de ses noms. Hein. Sauf ses parents étaient indécis. Ouais, je me pensais indécis moi-même dans la vie d'un. Pas si pire. 746 lettres. Son nom de famille mesure 590 lettres de long. Elle est née en Allemagne en 1904 et est apparue dans le livre des records Guinness entre 1975 et 1985. Pourquoi? Il est mort, 85. Oh. Mais justement, pourquoi il n'y a pas eu un junior là et qui aurait pu continuer la bonne tradition? Tu sais? Adolf Blaine Charles David Earl. Aïe, aïe. Mais au moins, tu as du choix pour son surnom. T'sais. Mais ça, c'est ça, je m'en allais dire. C'était quoi son surnom, tu penses? C'était Je l'appellerais Sen. Je vais l'appeler Serge. Pour Seigneur. Seigneur. Oui, c'est Sen. Sen. Pour une alimentation saine. À la fin du 19e siècle, les presses, oui, à impression, utilisaient des plaques de lettres pour créer ce qu'ils voulaient imprimer et ensuite pouvoir transférer ça sur papier. On sait ça. Ensuite est arrivé, c'est devenu la norme pour les livres et les journaux. Hein, qui précédemment était écrit à la main. Écrire à la main, c'était évidemment super long et ça laissait pas beaucoup de place à l'erreur. Ben non, ces presses d'impression-là avaient maintenant la technologie pour enrichir des informations et les imprimer en quantité extrêmement élevée pour ensuite partager avec le public en utilisant ces presses-là avec les plaques. Donc, les plaques de lettres étaient de petites plaques de métal, hein, chacun avec sa propre lettre qui était arrangée sur une plus grosse plaque pour créer des pages complètes. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça, Steph? Ouais. Eh bien, c'est pour garder ces lettres-là bien organisées. Ça venait dans des valises. OK. Ce qu'on appelait des type cases. Tu as sûrement déjà vu type case dans des logiciels de traitement de texte. Eh bien, ces type cases-là, ces valises à caractère-là, avaient des petits compartiments très peu profonds où les plaques pouvaient être mises. Étant donné que la plupart des phrases avaient beaucoup moins de lettres majuscules que lettres minuscules, ben ces lettres-là, les lettres minuscules étaient dans la partie du bas de la valise, les lettres majuscules dans la partie du haut. C'est pour ça qu'on appelle ça uppercase et lowercase. Les lettres majuscules et minuscules, on appelle ça uppercase et lowercase. La valise du haut, le tiroir du haut, la valise du bas. Wow! Hein, c'est pour ça. C'est cool, hein? J'ai appris ça puis j'étais tout impressionné. Je pensais juste t'es upper parce que c'est plus haut, là. La lettre est plus haut. Elle va plus haut dans mon estime. un garçon de 19 ans a réussi à squatter les bureaux de AOL pendant 2 mois. Ouais. OK. Eric Simons, 19 ans, entrepreneur de Chicago, qui a participé au programme K-12 de AOL. C'est un programme qui aidait à faire l'incubation de jeunes esprits technologiques du futur. Par contre, lorsque le programme s'est terminé, il a appris que les badges pour entrer dans les bureaux fonctionnaient toujours. Les petites cartes d'entrée dans la bâtisse. Donc, il travaillait au bureau de Palo Alto, de AOL, et ça lui a donné l'accès au bureau. Donc, il a décidé qu'il allait s'installer là pendant qu'il travaillait sur sa nouvelle petite compagnie, sa start-up qu'on appelle. Donc, il a réussi à dormir sur un divan à l'extérieur du champ de vision du gardien de nuit du bureau. Il travaillait jusqu'à ce que tout le monde quitte le bureau. Il allait au gym dès 7h le matin. Il utilisait les douches du gym. Et donc, lorsque tout le monde commençait à arriver, il a dépensé $30 dans son premier mois. $30 seulement pour vivre. Wow. Éventuellement, un gardien de nuit l'a remarqué. Il a été jeté dehors à 6h du matin. Et ça a arrêté. Quand même! AOL a dit « Ça a toujours été notre intention de faciliter l'esprit d'entrepreneur dans nos bureaux de Palo Alto, mais on pensait jamais que ça irait jusque-là. » C'est très drôle. Ils l'ont pris quand même du bon côté. Quand même bien. Ensuite, on utilise plus d'Internet en une seconde que pendant l'année 1993 au complet. Oh, ouch! Notre usage d'Internet a augmenté avec la facilité d'accès, les appareils mobiles, les superordinateurs. L'utilisation mondiale dans une seule seconde surpasse ce qu'on a utilisé dans le monde au complet en 93. Parce qu'en 93, seulement entre 1 et 3% des classes et 23% des gens avaient accès à Internet. C'était pas encore commercialisé. Tout ça a changé en 1995. Et maintenant, on dit que 1,2 milliard de personnes sont propriétaires de ou utilisent un téléphone cellulaire, entre autres, régulièrement. Mmh. Le monde utilise 160 téraoctets d'informations à chaque seconde. En 93, ce nombre-là, ce chiffre-là, descendait dans les 100 pendant toute l'année au complet. 100 téraoctets? Tant que ça? Sur l'anneau complet. Ah, OK. Donc, aujourd'hui, on utilise assez de données pour regarder 16 millions de vidéos sur YouTube, l'équivalent par seconde. Wow. 16 millions de vidéos YouTube. Thomas Edison a demandé sa femme en mariage en utilisant du code Morse. J'espère qu'elle comprenait le code Morse. Hein? Oui, en fait, elle comprenait le code Morse. Et justement, ça fait partie de l'histoire. Donc, Thomas Edison, qui est sans doute un des inventeurs les plus célèbres de l'histoire, dans sa vie, il a eu 1093 brevets à son nom. Il a contribué à des inventions comme le téléphone, l'ampoule, les rayons X. Mais étonnamment, Edison s'est frustré quand sa première femme, Mary, n'était pas capable d'inventer. Souvent, il exprimait ça dans son journal intime. Mais hein, Mary, elle a encore rien inventé aujourd'hui. Mais encore, elle n'a rien inventé. Les journées avant, elle n'invente jamais rien. Donc, après la mort de Mary, Edison est tombé en amour avec une femme nommée Mina Miller. Et il lui a enseigné, oui, le code Morse pour que, lorsque la famille était là, dans la maison, il pouvait continuer de communiquer en se tapant sa main en code Morse. C'est cute, hein? Un jour, il lui a tapé le long message de « Veux-tu me marier? Veux-tu m'épouser? » dans sa main. Et bien sûr, sa réponse, plus facile à taper, était « Oui ». C'est cute. Plus facile à taper peut-être, mais je sais pas plus c'est quoi. Non, en code Morse, moi non plus. Non. Petit trait, long trait, j'ai aucune idée lequel est lequel. Non. Combien il en faut, tu sais. Est-ce que tu connais le jeu PC Secret World? Non, parlement. C'est c'est un MMORPG. Un jeu de rôle massivement multijoueur et en ligne. Exactement. Sauf que pour avancer dans le jeu, ce qui est très intéressant, c'est que tu fais pas juste tuer des gens. Mais tu dois aussi résoudre des énigmes et des casse-têtes et ce genre de trucs-là. Et pour avancer dans le jeu, à un moment donné, tu avais un code Morse à traduire, okay, si on veut. Et ça allait tellement vite. Tu sais, tu as même un onglet pour aller directement sur Internet dans le jeu parce que c'est fait pour faire de la recherche pendant que tu joues. Et même, j'avais l'extrait audio du code Morse. J'avais l'alphabet Morse. J'ai jamais été capable... Les trois premières lettres, puis après ça, j'étais juste perdue. Mais mon chum a été capable de traduire ça. Ah oui? Mais c'était juste... Je veux dire, moi, les espaces, entre les lettres, les mots, c'était toute la même chose. C'était vraiment juste une cacophonie. Et lui, je sais pas comment il a fait, puis il a réussi à trouver la solution. Mais moi, ça, ce genre de truc-là, je serais jamais capable d'apprendre ça. C'est hors de ma portée. Je te comprends. Je pense que je suis pareil. Ah, c'est débile. Ah, mais on félicite Thomas Edison et sa femme et on leur souhaite une belle vie. Non, sans mort, oui. On leur souhaite une belle mort. Belle mort, s'il vous plaît. Belle mort. Ensuite, la chanson thème de Rocky 3 était supposée être une chanson qu'on connaît tous. Donc, Sylvester Stallone a refusé les droits d'utiliser la chanson Another One Bites the Dust par Queen. C'est vrai. Donc, à la place, il a contacté le groupe Survivor pour créer une chanson originale pour le film Rocky 3. De son échec à l'origine, donc, il est sorti une des chansons les plus connues de tous les temps, Eye of the Tiger. Jim Petherick, le guitariste de Survivor, était le premier à entendre la nouvelle. Au départ, il pensait que le message mystérieux laissé par Stallone était une blague, mais aussitôt qu'il a appelé le numéro, donc en retour d'appel, l'acteur a répondu. Il lui a demandé « Est-ce que ce serait possible de faire une chanson pour mon film, mon petit film Rocky 3? » Même si le groupe était déjà populaire, Eye of the Tiger a finalement mené le groupe vers la gloire. C'est devenu une des chansons les plus connues de l'histoire. C'est ramassé numéro 2 de la liste des singles en 1982. Pendant sa durée de vie, ils ont vendu plus de 9 millions de copies de cette chanson-là en version numérique et vinyle, et etc. Donc, en version numérique, pas en version MP3. Je pense que c'est numérique comme en CD, je crois. Donc, c'est, ouais, je pense que ça aurait plus de sens pour l'époque. Donc, c'est bref sur la liste des chansons les plus vendues dans le monde. Voilà. Non, je connais juste cette pièce-là du groupe, me semble. The Eye of the Tiger, oui, je sais pas, moi j'en connais pas d'autres en tout cas. Mais en tout cas, ils sont pas si populaires que ça. Pas tant. Alors que Queen, je pourrais t'en nommer une dizaine. Ouais, mais hein. On pourrait même dire plus encore. Probablement. Probablement. C'est bon, c'est ça. C'est... Ah voilà, pour C'est un fait, on fait ça tous les lundis à Assemblage Rocky. Génial, n'est-ce pas? C'est génial. C'est tout pour Assemblage Rocky aujourd'hui. On se retrouve demain entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30. Restez sur nos ondes, les filles, pas les filles, les gars. Clairement, c'est en ondes, les filles, les gars, allez-vous-en. C'est les gars de Génie en liberté qui s'en viennent à partir de 9h30. Ensuite, c'est le Dîner de con avec Danny Janvier. Puis les coups des franges, l'émission d'actualité sur l'UQTR à 13h. À 16h, c'est Précieuses Ridicules et à Livre ouvert en rappel. À 18h, en direct, Palmarès du monde avec David Ferron. 19h, le voyage insolite avec de la culture rock. 20h, Rock de Neuron. Sifu.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission. Les balades de diffusion. On remercie David Ferron. Oui, Marie Melon. Marie Melon aussi, bien Marie sûr. Marie Melon Ferron. Oui. Et voilà, on se retrouve demain à 7h30. Merci, Steph. Merci, Mathieu. À demain. Bye. Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Hey!